La rue vit, la rue vit. La rue parle, la rue parle. La rue meurt, la rue meurt. La rue écrit sur les murs ses humeurs. La rue crie ou murmure cette rumeur. Parfois, la rue crie, la rue se perd. La rue a peur quand le peuple se rue sur les idées mortes de médias menteurs. Alors, les murs se heurtent au bulldozer de la pensée. Et la rue se fracasse le crâne contre ses portes fermées. Elle se fait bélier pour avancer tête haute, ventres à terre. C'est ici Belzébuth pour les autres, endimanché Cerbère. Dandy dédaignant cette plèbe qui plaide non coupable dans Diablé, Farandole, Carmagnole, Caracaigne. Saigne ses veines gonflées d'espoir jusque dans les caniveaux, oubliettes de l'histoire, arrosant d'une dignité vaine l'aube du grand soir. Avec pour unique soleil un réverbère au zénith éclairant le chemin de ces libertophiles fanatiques. Penseurs ou illuminés, ces éternels marcheurs se font allumer dans un noir total, une nuit totalitaire. Ils périssent alors en leur demeure, château de carton, palais d'asphalte et de béton érigés à la sueur de leur sang, de leur front, à la puanteur rang de ceux de leur rang partageant la même couche, le même sueur. La rue a vécu, la rue a parlé. La rue a vécu, la rue a parlé. La rue a péri et prise de liberté. Aujourd'hui, vaincue, foudroyée, demain, triomphante, relevant les affronts. La rue était prise, mais la rue a péri. Et prise de liberté, et prise de liberté. La rue vit, la rue vit. La rue parle, la rue parle. La rue meurt, la rue meurt. La rue crie. Cahier vivait, la cahier habla, la cahier muerte, cahier amor, la cahier escribe en la pared su humor, la cahier siempre murmurará este rumor, la cahier siempre murmurará este rumor, puente y alguno teatro del horror. Cuando llegó el rostro del horror, el odio del azufre y del sufrimiento de un pueblo petrificado en una estatua de plomo. La mano del imperio golpeando el pueblo en el puente y alguno deviene un cementerio este jueves muy negro. Negro, negrito, este escenario sucio de un guion gringo muy conocido, pero la vida no es un espectáculo y no necesitamos tal escenógrafo. Ahora basta el temor, ahora de los ojos del pueblo desapareció el terror. Ahora basta el terror, ahora que hay ve, que hay habla, que hay muerte, que hay amor. La calle siempre murmurará este rumor. La calle siempre murmurará este rumor. La rue vit, la rue vit. La rue parle, la rue parle. La rue meurt, la rue meurt.